Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour la première édition de ce mois de novembre 2021. Une émission encore une nouvelle fois en différé, on se retrouvera en direct la semaine prochaine, le 14 novembre. On espère que malgré une fois de plus les soucis de diffusion sur Radio Béton, vous avez pu trouver moyen d'écouter notre petite extension spéciale Halloween de dimanche dernier sur du coup l'horrifique réinterprété en musique extrême des écrits de Lovecraft. Voilà, nous on a pris beaucoup de plaisir avec Thibaut à vous mettre ça en forme et ensuite Sylvain pour toute la partie technique et montage. Donc voilà, il n'est pas à exclure qu'on reproduise ce type de schéma dans les mois à venir. Retour ce soir et une diff classique, on va dire, en termes de format. Hein, 2 heures d'émission pure et dure, avec quelques petites nouveautés et une nouveauté en ouverture d'émission, Unleashed, le groupe de Viking Death, qui sort son 14e effort studio No Sign of Life, une sortie Napalm Records. C'est encore une avant-première, parce qu'il ne sera dispo qu'à partir du 12 novembre. Unleashed, qu'est-ce qu'on peut dire sur la formation suédoise? Eh ben, ma foi, ça évolue pas des masses. C'est très régulier en termes de production, hein, un Scud tous les 3 ans depuis un paquet d'années. C'est ultra classique ce qu'ils nous proposent, hein, du Death Sauce Unleashed, avec une approche toujours assez old school. Je trouve que sur scène ça peine à décoller, mais bon, après, quand on nous balance les grands classiques, ça fait mouche. Voilà donc la présentation du nouvel effort de Unleashed. Et on les met en duo avec un groupe qui sonne très suédois et qui pourtant est d'origine allemande, Tulkandra. Le groupe de Swedish Black Death dans le style, hein, même si je rappelle d'origine ils sont allemands, mais musicalement c'est bluffant, hein, ils sont sortis de la cuisse de Dissection. Toujours emmené par Stephen Kummerer, bien sûr le leader d'Obscura. Voilà pour la doublette d'ouverture de ce soir, The King Lost His Crown pour Unleashed et Scared Grandeur, signé Tulkandra, extrait de leur nouvel effort studio Dying Wish, également dispo chez Napalm Records. We'll be right back. Doublette suivante, deux salles, deux ambiances, deux continents, deux styles, avec tout d'abord les vétérans allemands de Running Wild, le groupe de Heavy Power Pirate qui sort son 17e album studio. On est toujours sur du Running Wild ultra classique musicalement et esthétiquement, et même au niveau du son. Le line-up a pas trop bougé sur ce nouvel album qui s'intitule donc Blood on Blood. Des aides dispo, c'est SPV Steamhammer. Et dans la foulée, le retour des ricains de Waking the Cadaver, le groupe de Wiggy Slam Death, qui sort son nouvel effort studio Authority Through Intimidation. Il n'y a pas d'erreur possible, hein, il est très bon ce nouvel album. Le précédent datait de 2013, une sortie Unique Leader Records. On s'écoutera le titre Corpse Decomposition. Et juste avant Waking the Cadaver, Running Wild avec le titre Wings of Fire. C'est parti. Believing in tonight, the hanging underwear. Une doublette avec des groupes qu'on vous diffuse déjà depuis quelques semaines. Tout d'abord, 1914, cet excellent groupe ukrainien qui fait de plus en plus parler de lui. Troisième album studio pour la formation qui nous propose un mélange epic black et death doomisant en crossover avec de belles agrémentations orchestrales. Le thème, c'est toujours bien sûr la Première Guerre mondiale, mais de manière très immersive. Voilà, c'est structurellement, musicalement, c'est très très bien branlé. Where Fear and Weapons Meet, c'est le nom de ce nouvel effort studio déjà disponible chez Napalm Records. On s'écoutera le titre Don't Tread on Me, bien sûr absolument aucun rapport avec le tube de Metallica. Et dans la foulée, Cunt Raven, on s'écoutera le titre The Curse, extrait de leur nouvel effort studio The Six Storms. Bien évidemment, le sixième effort studio pour la formation Cunt Raven. On est sur du doom suédois qui a fait son retour dans le courant des années 2000. Et puis là, 12 ans après le précédent album sorti en 2009, ils nous sortent leur sixième effort studio. On est sur du doom assez heavy dans le fond, avec des inspirations old school à la Black Sabbath, Saint Vitus et autres pentagrammes. Voilà donc 1914 et Cunt Raven, c'est parti. 3,000 miles from home, an American army is fighting for you. Everything you hold worthwhile is at stake. Only the hardest blows can win against the enemy we are fighting. Invoking the spirit of our forefathers, the army asks your unflinching support to the end that the high ideals for which America stands may endure upon the earth. We'll be right back. doublette suivante avec tout d'abord Knockloose qui nous vient des États-Unis, le très très bon groupe de hardcore nous sort un EP un peu en mode surprise, un EP ultra vénère qui n'est pas sans rappeler leur première production studio pop culture. C'est haineux, ça siffle dans tous les sens et ma foi, Brian le chanteur est toujours aussi colère et convaincant derrière le micro. Et dans la foulée, Deviant Process, groupe de Tech Death qui nous vient du Québec, un effort qui sort chez Season of Mist. C'est tech, sans être ultra démonstratif et chiant, on est sur des inspirations assez old school à Pestilence ou Death époque Human. Et dans le son, l'approche est moderne cependant. Voilà donc pour les présentations avec Deviant Process. L'album s'intitule Nurture, il est donc déjà dispo chez Season of Mist, on s'écoutera le titre Emergence. Et juste avant, Knuckloose avec un extrait de leur nouvel EP A Tear in the Fabric of Life, on s'écoutera le titre Forced to Stay. C'est parti. Shut the fuck! Et ma foi, vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Et on attaque bien frontalement l'aspect française tout de suite maintenant avec une très très bonne doublette. Pedretz, tout d'abord. Alors Pedretz, c'était un petit peu ma claque de ce fin de mois d'octobre. Bon, même si là, effectivement, on est sur la première émission de novembre, mais c'est parce qu'on les a découverts pour la précédente émission. Pedretz, chronique de l'insurrection, on est sur du black metal breton. Alors pourquoi? Parce que tout simplement je trouve que la Bretagne a c'est pareil, une essence black metal bien spécifique depuis quelques années. Alors bien sûr on a les vétérans un type Belenos, mais là on est vraiment sur quelque chose d'encore plus profond. On est sur un thème régionalisto-historique, un peu comme le dernier album de Aurillac, qui là traite du génocide vendéen suite à la Révolution. Voilà, il y a quelques éléments folk avec des instrus traditionnels, et surtout au niveau du line-up, on retrouve clairement des fleurons de la scène bretonne avec des membres de Himinbjorg, Tankos, Internos et d'autres de régiments. Voilà, un BM chanté en français, bien articulé, donc les paroles sont ultra compréhensives, ça nous prend aux tripes. Il y a vraiment une intensité très très forte tout au long de cet album. Enfin voilà, Pedretz, ça a été une excellente découverte ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Eh bien, tout simplement, en fait, prenez le temps d'écouter l'album. Alors, il est long, il fait plus d'une heure, mais il est ultra qualitatif et on s'ennuie absolument pas. Étonnamment, non, même pas d'ailleurs, je trouve qu'au contraire, ça rajoute un petit plus. La batterie est une boîte à rythme, et en fait, ma foi, ça rajoute un peu à cette ambiance ultra froide et minimaliste, en fait. De l'ambiance globale, même s'il y a quelques arrangements avec des instrus folk, que je trouve que la batterie programmée, pour le coup, joue un rôle très intéressant dans la musique de Pedretz. Et dans la foulée, dans un style totalement différent, on s'écoutera un titre de Slapdown, groupe de Death Brutal Death. Slapdown qui nous sort un premier album après un EP paru en 2018. Voilà, c'est pas bien finaux, mais c'est vraiment bien efficace et très bien foutu pour Slapdown. Premier album s'intitule Fundamentally Wicked, une sortie MEO Music, pardon. On s'écoutera le titre The Priceless Taste of Flesh et Pedretz juste avant ça, Sous la bannière blanche. Et là, pour rappel, l'album est sorti chez Antique Records. C'est parti.